que esse boss, né? Como um boss é que esse boss. Ah, je déconne. Je t'ai envoyé un message. C'est Milos qui m'a un peu appris pour Skype, mais ça marchait pas. Maintenant j'y suis, alors j'ai trouvé ton adresse, celle de Titi, celle de Milos. Bonjour, bonsoir. Manu. C'est quoi ces boucles que t'as trouvé là? Sympa pour bosser ça. Version 6.2. Ah, moi je suis pas du tout la classée, c'est sur mon téléphone et j'ai mis Skype. Je vais m'y mettre si tu veux. Je vais m'y connecter pour voir si tu te vois. Je t'ai invité, mais. Je t'ai invité avec ton adresse hotmail, je sais pas si tu fallait faire. 6.1. Attendez, moi je suis connecté sur Skype. Comment on sait si c'est la version? À propos de Skype, c'est ça? Non, j'ai pas marqué la version. Ah non, moi c'est la version sur le. Ouais, je suis en train de lire en même temps que tu fais. La bouffe. Bien. Toi tu gères mieux que moi Reaper. Non, alors pour Skype j'ai la version sur mon téléphone 4.5.222. Mais bon, apparemment Skype sur le téléphone il y aura une mise à jour plus tard. Hein. Moi ça marche. Hein. Essaye de te connecter pour voir si. J'ai Fred 77330, c'est Titi ça. Live Field de Rome, c'est toi ça. Et après, Bilos, c'est Michel Franville Lafarge. Pourquoi? C'est pas ton vrai nom. Pourquoi vous mettez vos noms, putain? Vous êtes malade, vous pouvez mettre les noms. Alors attends, parce que moi, il y a quoi mon nom? Enfin, moi, c'est un pseudo. Moi, c'est Benjamin Thiers, alors. T'as pas mis ton adresse pro sur. Ouais, mais putain, tu vas être comme tu dis.